particulier que l'islam. والثالث الإحسان. Et le troisième, c'est la perfection, l'ihsan. وهو أخص من الإيمان. Et qui est encore plus particulier que la foi. وسيأتي بيان هذه المراتب في الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. Et nous allons expliquer donc ces trois degrés dans le deuxième fondement du livre qui concerne la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. ثم قال الشيخ رحمه الله ومنه الدعاء أي ومن العبادة التي أمر الله بها الدعاء. Donc, et parmi cela, c'est-à-dire parmi l'adoration qu'Allah a ordonnée, il y a l'invocation, الدعاء. بدأ به المؤلف بدأ بالدعاء لأنه أعظم أنواع العبادة. Donc, l'auteur a commencé par citer en premier lieu l'invocation comme première adoration, car c'est l'adoration la plus apparente. C'est une des plus grandes adorations. الدعاء. Belle, mais c'est carrément, on peut dire, la plus grande adoration. والدعاء ينقسم إلى قسمين. Et l'invocation se divise en deux. دعاء عبادة. Le premier, l'invocation d'adoration. Ou l'invocation adoration. L'invocation adoration. وهو التوجه إلى الله تعالى بكل عبادة وفق شرعه المطهر. Et c'est le fait de chercher à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers tout type d'adoration conformément à sa législation. فهذا هو الدعاء هذا هو الدعاء العبادة. L'invocation adoration. هكذا قال أهل العلم قالوا يسمى هذا دعاء عبادة. وفي الحقيقة هو إنما هو العبادة. العبادة كلها العبادات كلها تعتبر دعاء لأن الدعاء في اللغة هو الطلب. Donc les savants expliquent, ils disent que donc l'invocation adoration en vérité, c'est-à-dire c'est l'adoration en elle-même. Elle est appelée invocation pourquoi? Parce que l'invocation en arabe a le sens de quoi? De demande. C'est une requête. Tu demandes quelque chose. Ad-du'a en arabe signifie le fait de demander une chose. وَالْإِنسَانْ بِعِبَادَتِهِ كَأَنَّهُ يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ الثَّوَابِ. Et lorsque donc la personne va faire une adoration, par là il le recherche, il demande à Allah de le récompenser pour cette adoration. فَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَا إِنَّ هَذَا يُسَمَّ الدُّعَاءُ عِبَادَةً أَنَّ الْعِبَادَةَ تُعْتَبَرُ دُعَاءً حَيْثُ أَنَّ الْإِنسَانَ يَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ الثَّوَابَ عَلَى تِلْكَ الْعِبَادَةَ الَّتِي عَمِلَهَا. Car donc, l'individu, le musulman, va rechercher la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers son adoration. Il va demander à Allah subhanahu wa ta'ala par son adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense. C'est pour cela que l'adoration est appelée invocation ou demande. فهذا هو النوع الأول من الدعاء وهو دعاء العبادة. النوع الثاني هو دعاء المسألة. C'est يعني l'invocation de demande. وهو الطلب من الله وهو الطلب من الله لجلب خير أو دفع شر. C'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'accorde un bien ou qu'il t'écarte d'un mal. هو الدعاء المعروف عندما نقول أدعو الله لي أو أدعو الله، إنما المقصود أني أطلب من الله خيرا أو دفع شر، جلب خير أو دفع شر. Donc, ce deuxième type d'invocation, c'est, comme nous avons dit, l'invocation de demande, qui consiste à demander à Allah qu'il t'accorde un bien ou qu'il t'écarte d'un mal. Et c'est l'invocation telle qu'elle est connue chez tous. Lorsque l'on dit « j'invoque Allah », c'est-à-dire « je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il m'accorde ce que je veux et qu'il m'écarte ce que je crains ». فهذا هو الدعاء. ومنه الرجاء أو الخوف عفوا. ومنه الخوف. Puis la peur. Également parmi les adorations, la peur. الخوف من الله عز وجل. والخوف ينقسم إلى قسمين. Et la peur se divise en deux. خوف طبيعي, une peur naturelle. مثل خوفك من الأسد وخوفك من العدو. هذا هو الخوف الطبيعي. Comme le fait d'avoir peur d'un lion ou d'avoir peur d'un ennemi. Ça, c'est une peur naturelle. C'est une peur naturelle. والقسم الثاني من الخوف, et le deuxième type de peur, هو خوف العبادة, la peur d'adoration. La peur d'adoration. وهو الخوف من المعبود, et c'est le fait d'avoir peur de ton créateur, de celui que tu adores. Afwan, c'est le fait d'avoir peur de celui que tu adores. وهو الخوف السري. C'est une peur qui est donc intérieure, dans le cœur. تخاف من شيء لا يستطيع أن يفعل بك شيء. Tu as peur d'une chose qui ne peut rien te faire en réalité. كخوف المريد من الشيخ. Comme chez les soufis, donc l'initié. L'initié, c'est-à-dire l'élève, a peur de son shir. Chez les soufis, dans les voies soufis, ils ont des chouyours, ils ont des gens qu'ils appellent les chouyours. Ce sont eux qui sont les rapprochés d'Allah. Et chaque shir a des élèves. Et ces élèves doivent faire des choses et ils doivent avoir peur de leur shir. Ils ne doivent surtout pas faire quelque chose qui contredit la parole de Shir. Ou sinon, le Shir pourra leur porter préjudice. فَلَوْ كَانَ شَيْخُهُ عَلَى بُعْدِ أَلْفِ كِلُومِتْرِ يَخَافُ مِنْ شَيْخِهِ أَنْ يَدُرَّهُ. Donc, vous trouvez ces gens-là, l'élève donc de ce Shir soufi, il peut être à 1000 km de son Shir, mais il va avoir peur de son Shir. Il va avoir peur de dire quelque chose que son Shir n'aime pas, ou de faire quelque chose que son shir n'aime pas, et que son shir donc va lui faire du mal. Même s'il a 1000 km de lui. هذا خوف عبادة. هذا لا يجوز إلا لله عز وجل. Cette peur ne doit être accordée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est une peur d'adoration. Une peur de vénération. وكذلك هؤلاء الصوفية يخشى الطالب أو المريد أن يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضره في إيمانه وفي نفسه وفي أهله وماله وربما يخاف من الشيخ أن يسلب إيمانه. Également chez les soufis, vous trouvez que l'élève va avoir peur que quoi que son shir voie ce qu'il y a dans son cœur. Il pense que le shir peut savoir ce qu'il y a dans son cœur, et donc il a peur d'avoir une mauvaise pensée sur son shir et que son shir s'en rend compte. Et si son shir s'en rend compte, Alors, il va lui porter préjudice dans sa foi, il va lui porter préjudice dans son sang, il va lui porter préjudice dans ses biens, dans sa famille, il va lui faire du mal, quoi. Et même certains parmi eux ont peur que le shirk lui enlève la foi du cœur. Il le fasse sortir de l'islam. Les soufis, ce sont eux qui ont exagéré dans ce domaine. La peur secrète, la peur cachée. Tu as peur d'une chose qui ne peut pas te nuire. لأن الضر النافع إنما هو الله عز وجل فهو الذي يستحق أن يخاف وحده لا شريك له car le seul qui peut te nuire ou te procurer du bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala donc c'est lui seul c'est de lui seul dont tu dois avoir peur أما الخوف الطبيعي quant à la peur naturelle فهذا الخوف لا يملكه الإنسان إنما يأتيه عرضا. Quant à la peur naturelle, l'être humain ne le maîtrise pas. Ce n'est pas une chose qu'il maîtrise. Il va se retrouver dans une situation face à quelque chose, face à un danger, il va avoir peur. C'est une peur qui lui vient sans que lui-même ait décidé d'avoir cette peur. Donc la peur naturelle, il n'est pas tenu rigueur à l'être humain pour cela. Car ceci est normal. Si tu vois un gros rocher qui va te tomber sur la tête, tu vas avoir peur. Si tu vois un lion qui court vers toi pour te manger, tu vas avoir peur. Tu ne maîtrises pas cette peur. Tu ne peux pas dire à Sato, non, moi, j'ai pas peur, moi. Non, c'est quelque chose qui vient sans que toi, tu puisses le maîtriser. فَلِذَلِكْ لَا يُعَخَذْ بِهِ الْإِنسَانِ أَمَّا خَوْفَ الْعِبَادَ Quant à la peur d'adoration, de vénération, يعني لتعظيمك لهذا الشيء تخاف منه tellement tu vénères cette chose là tellement tu honores cette chose là tellement tu élèves cette chose là tu en as peur هذا لا يكون الا لله عز وجل ceci ne doit être attribué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala و الا وقعت في الشرك ou sinon auquel cas tu seras tombé dans l'associationnisme. طيب بعد ذلك الرجاء l'espérance ou l'espoir autre type d'adoration l'espérance وهو ان يرجو الانسان من الله ما لا يقدر عليه غيره c'est que la personne espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que la personne espère d'Allah subhanahu wa ta'ala ce que personne ne peut lui accorder à part Allah. فمثلا الانسان يرجو من الله الولد par exemple l'être humain il espère qu'Allah va lui accorder des enfants الانسان يرجو من الله ان يرزقه مالا كثيرا نعم l'être humain espère qu'Allah va lui accorder beaucoup d'argent. Il espère cela d'Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الرجاء لا يكون إلا لله عز وجل لأنه لا يقدر على الرزق نعم على أن يرزقك الولد إلا الله عز وجل car le seul qui est capable de t'accorder un enfant c'est Allah. Le seul qui est capable de t'accorder ta subsistance c'est Allah. Donc ceci concerne l'espérance. Tu espères en Allah subhanahu wa ta'ala des choses. Et si cette chose-là, il n'y a qu'Allah qui peut te l'accorder, tu n'as pas le droit de l'espérer d'une autre personne. كذلك التوكل parmi les adorations, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. وهو الاعتماد على الله c'est le fait de s'appuyer sur Allah pour obtenir une chose. يعتمد على الله اعتمادا كليا Tu t'appuies totalement sur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'appuies totalement sur Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'accorde, afin d'obtenir une chose que tu désires. لكن هذا لا يمنع من اتخاذ الأسباب. Mais ceci ne t'empêche pas de faire les causes. لا تقول أتوكل على الله ثم لا تأخذ بالأسباب. Tu ne dis pas je place ma confiance en Allah et puis tu ne fais pas les causes. تمكث في بيتك وتقول سيأتيني رزق الله في بيتي. Tu restes chez toi, tu ne bouges pas de chez toi, puis tu dis j'attends et je place ma confiance en Allah pour qu'Allah m'accorde ma subsistance et il me fasse venir ma subsistance jusqu'à chez moi. Allah va faire venir l'argent jusqu'à chez moi. Là, la bud an taklub ar-rizq, ta'khudh bil asbab. Tu vas devoir faire les causes, sortir de chez toi pour aller chercher du travail, pour aller chercher un moyen de gagner de l'argent licitement. فالتوكل لا ينافي الاخذ بالاسباب. Donc le fait que tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala n'empêche pas le fait que tu dois faire les causes. لأن الله عز وجل جعل هذه الدنيا دار أسباب وهذه سنة الله في خلقه أن كل شيء له سبب. Donc ceci fait partie de la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création, que chaque chose elle a une cause qui la provoque. Chaque chose a une cause qui la provoque. Donc si toi tu ne fais pas cette cause, tu ne pourras pas provoquer cette chose. فكذلك الانسان يقول انا اريد من الله اتوكل على الله حتى يرزقني ولدا وهو لا يتزوج. Quelqu'un il dit également moi j'espère qu'Allah, je place ma confiance en Allah et Allah il va m'accorder des enfants. OK, d'accord. Mais il ne se marie pas. كيف يأتيه الولد وهو لم يتزوج؟ Comment va-t-il avoir un enfant s'il ne s'est pas marié؟ هذا كل عاقل يدركه. Toute personne douée de raison, hein? Toute personne douée de raison, يعني c'est très bien cela, qu'il ne pourra pas avoir d'enfant s'il n'est pas marié. إلا طبعا يعني عند الكفار الذين لا يرعون نعم حرمة الزواج ويتناكحون كما يشاءون وهذا يعني ليس عندنا في عند المسلمين ولله الحمد. Donc je disais celui qui ne se marie pas donc il ne pourra pas avoir d'enfant si ce n'est ceux qui font si ce n'est ce qu'il y a chez les koufars, n'am, chez les mécréants, n'am, qui autorisent les relations en dehors du mariage et ceci n'existe pas dans l'islam. إن العلاقات الجنسية بين يعني بين الرجل والمرأة مضبوطة بالزواج. Les relations entre hommes et femmes, les relations intimes entre hommes et femmes dans l'islam sont concentrées et sont délimitées par le mariage. إذن لابد من الأخذ بالأسباب مع التوكل. Donc nous devons faire les causes en même temps que quoi, que nous plaçons notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ والرهبة والرهبة. Puis le shir donc va citer الرغبة والرهبة هو قريب من الخوف والرجاء. يعني c'est proche de quoi, de la peur, de l'espérance et de la peur. الرغبة c'est les choses que tu veux. والرهبة c'est les choses dont tu crains. Donc tu vas vouloir Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas vouloir la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu vas craindre son châtiment. وهذا كما قلت يرجع الى الخوف والرجاء فهي متقاربة. نعم, ces quatre choses-là sont proches. نعم, la peur, l'espérance et ce que tu veux et ce dont tu crains. Ça rentre à peu près dans la même chose. والخشوع والخشية والإنابة. Puis, la concentration et l'humilité et le repentir. Ou plutôt l'humilité, la peur et le repentir. الخشوع والخشية متقاربان وهما بمعنى التذلل والانقياد لله عز وجل ظاهرا وباطنا مع كمال الحب لله سبحانه. Donc l'humilité et la crainte, l'humilité et la crainte sont proches, ce sont deux choses qui sont très proches avec une petite nuance, mais sinon leur sens général, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'humilité et la crainte, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala extérieurement et intérieurement, accompagné d'un amour total pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la soumission accompagnée d'amour. La soumission totale accompagnée d'amour total. Ceci est l'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'humilies devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'avilies, tu te soumets. Tu te soumets. Hubban lillah azza wa jal, par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa al-khushu'. Voilà ce qu'est l'humilité. Wal-khashya kadhalik. Et également ce qu'on appelle en arabe al-khashya. Wal-inaba wa hiya at-tawba wa ar-ruju'u ila Allah azza wa jal. Donc le repentir, c'est le fait donc de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de revenir à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. فالإنابة ليست مجرد استغفار. الإنابة ليست مجرد استغفار. On dit le terme en arabe inaba. Inaba, ce n'est pas simplement le fait de quoi, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de délaisser le péché. لكن كذلك يشمل الإقبال على الله الرجوع إلى الله الرجوع إلى عبادة الله والإقبال على عبادة الله. Mais الإنابة elle comprend donc la demande du pardon pour le péché et le fait de revenir à Allah, à son adoration et à son obéissance et de s'efforcer dans l'obéissance et dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن معنى أنابة أي رجع رجع إلى ما كان عليه في البداية. Donc c'est le fait de revenir à ce sur quoi tu étais au début من عبادة الله عز وجل comme adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. وكل ذلك خاص بالله عز وجل. Et toutes ces choses, c'est-à-dire l'invocation, la peur, l'espérance, le fait de placer sa confiance en Allah, le fait d'être humble devant Allah et de se repentir à Allah, toutes ces choses-là ne doivent être attribuées qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. فمثلا عند النصارى هم إذا أذنبوا ذنبا إذا أذنبوا ذنبا يذهبون إلى القسيس. Les chrétiens, lorsqu'ils commettent un péché, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le prêtre. كيف تسمى هذه الكابينة؟ Le confessionnal. Naam. Il a une petite cabine, le prêtre, dans l'église. Il a une petite cabine dans laquelle il écoute il écoute donc ses fidèles. Il écoute ses fidèles qui viennent pour se repentir. Donc il est dans une partie de cette cabine et le fidèle, le chrétien, vient lui dans l'autre partie de la cabine. Puis il dit, mon père, j'ai fait tel péché et je veux me repentir. Il demande cela au prêtre, un être humain comme lui. Alors le prêtre lui répond, c'est bon mon fils, tu es pardonné. Yamlikul Rufran. Yamlikul Rufran. Hein? Indahum, sakkal Rufran. Namle. Les contrats de quoi? De pardon. Contrat de miséricorde. C'est bon, tu es pardonné. Il tamponne. C'est bon. Tu peux partir. Ton péché est effacé. Quelle raison peut accepter cela? Un être humain comme toi, fait de sang et de chair. Il commet des péchés tout comme toi, tu commets des péchés. Et puis c'est lui qui vient et qui t'expie tes péchés. Ceci n'est pas acceptable pour quelqu'un qui a une raison saine. Nous les musulmans, alhamdoulilah, nous n'avons pas ce genre de choses. وإنما إذا أردنا أن نستغفر الله ونتوب إليه فليس بيننا وبين الله وسائط. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah. Si nous voulons nous repentir, nous demandons directement pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Également parmi les types d'adoration, al-isti'ana. La demande d'aide. وتنقسم الاستعانة إلى جائزة وغير جائزة. يعني الاستعانة بالمخلوق تنقسم إلى جائزة وغير جائزة. Donc le fait de demander l'aide à une créature, ceci peut être permis comme ceci peut être interdit. Donc min al-isti'anati al-ja'iza, min al-isti'anati bil-makhluq al-ja'iza, an tatluba min jarik an yusa'idaka fi haml mata'ika fi sayyaratik. Parmi donc la demande d'aide à une créature qui est permise, qui est autorisée en islam, le fait que tu demandes à ton voisin qu'il t'aide à porter une marchandise dans ta voiture. Wa huwa hayyun hadirun qadirun fala ba's. Naam, ton voisin donc il est vivant, il est présent et il est capable de t'aider dans cette tâche. Donc il n'y a pas de problème, tu peux lui demander de l'aide là-dedans, il n'y a pas de problème, tu ne rentres pas dans le shirk. Wa mal isti'anatu ghayr al-ja'iza, quant à la demande d'aide d'une créature à une créature qui n'est pas permise, fa an tatluba min insan an yazida imanak, que tu demandes à une créature qu'il t'augmente dans ta foi. Qu'il augmente ta foi dans ton cœur. Voilà yaqdiru ala hadha. Il n'a pas la capacité. Li'anna al-qulub bayna usba'ayn min asabi'i ar-rahman. Car les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit le hadith sahih. Inna quluba bani Adam bayna isbu'ayn min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kayfa sha. Les cœurs des humains sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Il les tourne comme il veut. فمن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. Donc celui qui demande à autre qu'Allah une chose que seul Allah peut accorder, eh bien cette personne est tombée dans le grand shirk qui le fait sortir de l'islam. Et de la même façon, nous disons pour al-isti'adha. Al-isti'adha, c'est La demande de refuge. C'est que tu te réfugies auprès d'une chose, contre un mal. Fa qad tasta'id bi shakhs fima yaqdiru alayh. Donc il se peut que donc tu vas te réfugier auprès de quelqu'un qui peut t'accorder asile. Fa hadhihi isti'adatun ja'iza. Donc ceci est une demande de refuge autorisée. Demande de refuge à une créature autorisée. مثلا هناك من من المجرمين من يريد ان يقتلك. Il y a par exemple des criminels qui veulent te tuer. فتجري حتى تدخل بيت احد من الناس فتطلب منه ان يعوذك من هؤلاء. Tu vas lui demander qu'il te protège de ces gens-là et qu'il t'accorde asile, qu'il les empêche de rentrer pour qu'ils viennent te tuer. فهذا جائز, ceci est permis. والاستعاذة بالمخلوق غير الجائزة كأن تستعيذ بمخلوق من الجن أو من الشياطين. Donc parmi la demande de refuge à une créature qui n'est pas permise et qui tombe dans le shirk, le grand shirk, que tu demandes à une créature qu'il te réfugie, qu'il te protège contre les djinns, contre les shayatines. Hada la yamlikuhu l'insan. Personne ne peut te protéger des shayatines. Illa Allah azza wa jal. Si ce n'est Allah. Fahakada. ثم الاستغاثة الاستغاثة نقول نفس الكلام la demande de secours nous disons la même chose. Il y en a qui est permise et une qui n'est pas permise, et les exemples sont les mêmes que nous avons cités précédemment. والذبح et l'immolation, le fait de faire des sacrifices. الذبح لا يكون إلا لله عز وجل. Le sacrifice ne doit être fait que pour Allah subhanahu wa ta'ala. تذبح تقربا إلى الله عز وجل. كالهدي في الحج والأضحية والعقيقة وغير ذلك من القربان التي تتقرب بها biha ila Allah azza wa jal. Donc le fait de faire des sacrifices comme le sacrifice du mouton pendant le pèlerinage, ou pour ceux qui ne font pas le pèlerinage, ce qu'on appelle Eid al-Udhiya, le jour de l'Eid al-Kabir, l'Eid al-Adha, tu égorges une bête pour Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant par là la satisfaction d'Allah, en cherchant à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha dhabhu ibada. Ce sacrifice que tu fais, c'est une adoration. Car tu le fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour obtenir sa récompense. Wa hunak dhabhu 'ada. Il y a un sacrifice ou un égorgement qui est fait de manière naturelle, de façon habituelle. Non pas par adoration. Kan tadhbahu shatan turid an ta'kul minha. Ja'aka dhayf. وعندك شاة في البيت فتذبحها وتطبخها إكراما لضيفك. Comme le fait donc que tu vas avoir un invité qui va venir, puis tu as à la maison un mouton, tu vas égorger ton mouton et tu vas le cuisiner pour le présenter, pour honorer, pour le présenter à ton invité et honorer ton invité. فهذا ذبح عادة لا إشكال فيه. Il n'y a pas de problème. ما دمت سميت الله عند الذبح عند الذبح. Tant que tu as cité le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de l'égorgement et du sacrifice. فالمهم ذبح العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. Donc le sacrifice d'une bête, que ce soit un mouton, ou que ce soit un poulet, ou que ce soit une vache, ou un chameau, ou une chèvre, ou tout ce que tu veux, toute bête que tu vas égorger dans le but de te rapprocher de la personne pour qui tu l'égorges, eh bien, ceci est une adoration et ne doit être attribué qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّ هُنَاكَ مِنَ النَّاسِ فِي بِلَدِ الْإِسْلَامِ مَنْ يَذْبَحُ لِلْأَوْلِيَا يَذْهَبُونَ إِلَى قُبُورِ الْأَوْلِيَا وَيَذْبَحُونَ الذَّبَائِحَ عِنْدَهَا تَقَرُّبًا إِلَى الْأَوْلِيَا وَيَضَعُونَ هَذِهِ الذَّبِيحَةَ يَضَعُونَهَا عِنْدَ الْوَلِيِّ عِنْدَ قَبْرِ الْوَلِيِّ فَتَمُرُّ الْأَيَّامُ وَتَخْرُجُ رَائِحَةٌ نَاتِنَةٌ مُنْتِنَةٌ لأن طبعاً الولي لا يأكل ومات. Donc je disais, comme dans beaucoup de pays musulmans, vous voyez que quoi, que les gens vont vers les tombeaux des saints et ils égorgent, ils font des sacrifices, ils égorgent des bêtes pour les morts qui sont dans cette, pour les saints qui sont enterrés dans ces tombeaux. Et par là, ils cherchent quoi? Ils cherchent à se rapprocher de ce saint. Car ils disent que ce saint, c'est quelqu'un qui est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il peut intercéder pour nous auprès d'Allah. Donc c'est pour cela, nous on va et on égorge pour lui des bêtes. Pour lui montrer qu'on l'aime. Pour qu'il lui aussi nous aime, qui ensuite il va parler pour nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis vous voyez qu'après plusieurs jours, une fois qu'ils ont égorgé la bête, ils l'ont laissée donc à côté du tombeau. Mais après plusieurs jours, ce sont des mauvaises odeurs qui vont sortir. Ce sont de mauvaises odeurs qui vont sortir, car bien sûr, car bien sûr, le saint ne mange pas, il est mort. Donc la bête va rester à côté de lui, et l'odeur va empester la salle. Voilà, yadu billah. El jahl. Ces choses sont les conséquences de l'ignorance et de la bêtise. Taïb. Wa kadhalik al-nadr. Al-Nadr, c'est le fait de faire un vœu. De faire un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Nadr, huwa ilzamu l'insani nafsahu bi shay'in lam yalzamhu bi asli shara. Donc, le fait de faire un vœu, c'est de s'imposer à soi-même une chose qui n'était pas obligatoire initialement dans la charia. C'est le fait de s'imposer à soi-même une chose qui n'était pas obligatoire initialement d'un point de vue religieux. Dans les textes du Coran et de la Sunna, ce n'était pas une obligation, mais toi tu te l'es imposé à toi-même. Taqarruban ila Allah azza wa jalla, pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fataqul نذرت لله أن أصوم ثلاثة أيام. Je fais le vœu à Allah que je vais jeûner 3 jours. Lorsque tu dis cette parole-là, je fais le vœu à Allah que je vais jeûner 3 jours, eh bien ce jeûne de ces 3 jours devient obligatoire pour toi. Avant que tu le dises, ceci était recommandé, mustahab. Mais une fois que tu as fait le vœu, que tu vas le faire pour Allah, alors tu n'as plus d'autre alternative que de concrétiser ceci. وَالنَّذْرُ نَوْعَانِ. Il y a 2 types de vœux. نَذْرٌ مُطْلَقٌ. Un vœu qui est général, sans contrepartie. Un vœu sans contrepartie. كأن يقول نذرت لله أن أصوم ثلاثة أيام تقربا إليه. Donc comme j'ai dit, celui donc qui vient, il dit, je fais le vœu à Allah que je vais jeûner 3 jours pour me rapprocher de lui, pour obtenir sa satisfaction. والنوع الثاني نذر مقيد. C'est un vœu avec une contrepartie. Un vœu avec une contrepartie. كأن يقول إن شفى الله مريضي فلله علي صيام ثلاثة أيام. Comme celui qui va venir qui dit, si Allah guérit mon malade, quelqu'un, il a quelqu'un qui est malade chez lui, il dit à Allah, il dit, si Allah guérit cette personne chez moi qui est malade, eh bien je vais jeûner 3 jours. Si Allah guérit mon père qui est à l'hôpital, je vais faire une sadaqa, je vais faire une aumône. Ceci est un vœu avec une contrepartie. Pourquoi ? Parce qu'il a fait le vœu de jeûner ces 3 jours ou de faire cette sadaqa en contrepartie de quoi ? De en contrepartie de la guérison du malade. فهذا النوع من النذر مكروه. Ce type de vœu est déconseillé en islam. Il est déconseillé, lakin yajibu al-wafa'u bihi. Il est déconseillé de le faire, mais une fois que tu l'as fait, eh bien à ce moment-là, ça devient une obligation pour toi de le concrétiser. Si Allah subhanahu wa ta'ala guérit ton malade, eh bien tu vas devoir jeûner ces 3 jours où tu vas devoir faire cette sadaqa que tu avais promise à Allah subhanahu wa ta'ala. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على أنه مكروه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل. Donc le prophète me disait, le vœu ne rapporte pas le bien, mais ce n'est qu'une chose qui est tirée de l'avare. C'est celui qui est avare, il ne veut pas faire des jeûnes, des jours de jeûne surérogatoires. En plus, il ne veut pas faire des jours de jeûne surérogatoires gratuitement, mais il dit si Allah guérit mon malade, c'est pour ça qu'il est avare. C'est pour ça que le prophète l'a qualifié, c'est quelqu'un de avare. Donc ceci prouve que ce type de vœu est déconseillé. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم